tout sè. Fèmè a jan an nouè sè, pa ka sonje a yè. Siel kreve, an pasav sa kapasete wola. Pa ni peson pou di mwen. Eske ni yon moun ki pe kompran Manka sentiman sel Woy tout s'arret Le ou pa sav ki kote pou pose pie Ou ka senti ou se mort La vi a san sakre komba Pouchi, pouchi Le ou tout sel Pa bizwen mete kon ka plere Réfléchis un moment Et on va tout seul Pour tchembe tchembe Faut pas la gueule Nanam nanam Yélé lélé Assez bon Assez bon Qui côté Assez bon Assez bon Pas la peine Assez bon Yeah Assez bon Mi jonti la mani toune Pas ni a rien qui Je ne sais love hey. We love Yo pe parle man pa katom Yo ke konpon ke se konsan no love We love Yeah Ansemba Ansemba Ansemba Ansemba Oh yeah yeah yeah ba. Yeah Ansemba Ikote Ansemba Réfléchis un moment, qu'est-ce que tu sais?